Ce matin-là, j'aurais pu embrasser sur la joue cette fille. Deux ou trois fois, deux ou trois filles. J'aurais pu aimer la vie. J'ai oublié, je suis resté. Moi j'ai suivi Coralie et je n'ai embrassé ni la joie ni mes amis. C'est l'amour qui dirige chacun de mes pas et toute ma vie. Je n'y peux rien car mon cœur brûle. Sans cesse je vis avec l'envie. Et ce matin, c'était la fête. Tout le monde s'enlaçait. Et moi après, je m'en suis voulu. Je n'ai enlacé personne. Des petites fées, des Lara Croft, des Miss France, des rares beautés. Il y avait tout ça près de moi. J'aurais pu tout ça embrasser. Je n'aurais plus jamais l'occasion de les embrasser. Car c'était pauvre de moi. Fête unique dans l'année. La la la, la la la.